بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس 51 50 question او plutôt leçon. قال المؤلف حفظه الله تعالى في السؤال العاشر بعد 310 question. من هو اول من تنشق عنه الارض؟ Donc il dit qui est le premier pour qui la terre s'ouvrira, c'est-à-dire la tombe, la terre de sa tombe s'ouvrira. La réponse est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme dans le hadith d'Abu Huraira, qala ana awwal man tanshaqqu anhu al-ard. Muttafaqun alayhi. Que selon Abu Huraira radhiyallahu anhu, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit je suis le premier pour qui la terre s'ouvrira. Et le hadith il est apporté par le Bukhari pour Muslim. Donc il sera le premier. Après, est-ce que cela s'oppose à ce que nous avons cité auparavant, que le premier, que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam verra, trouvera Moussa agenouillé devant le arche de son Seigneur, devant le trône de son Seigneur, on dit il se peut que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, entre l'heure, le moment où sa tombe s'ouvrira et le moment où il verra cela, il y a un temps qui se passe et que Moussa ait pu sortir de sa tombe par la suite, puis avoir été prosterné avant cela, avant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne le voie. Il n'y a pas de contradiction entre les adillah. Wallahu ta'ala a'lam. Thumma qal fi as-su'al al-hadi 'ashar ba'd 300 311e question. Kayfa yuhsharu an-nas? Comment est-ce que les gens seront rassemblés? Qal. Et d'ailleurs cela rejoint avec la 312e question également. Elles sont liées ensemble les deux. Donc on va répondre aux deux en même temps. Qal hufatan Aratan Arlan, que les gens viendront justement pieds nus, nus et incirconcis. Comme dans le hadith de Aïcha, Qalat, Samatu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yaqul, Yurshalu nasu mal qiyama, Hufatan, Ghuratan, Arlan. Ou le hadith mutafakun alayhi. Et d'ailleurs, même me dira que les gens, les hommes et les femmes seront mélangés nus. Elle en fut surprise de cela. D'accord ? Ce qui montre la pudeur de cette femme, que même cela l'a touchée également. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ya Aïcha, el-amr ashad min zalika. La chose sera tellement grave qu'ils ne penseront même pas à cela. À se voir les uns les autres nus. Les gens seront autre chose par rapport à ça. Donc là, qu'on ne se dise pas que les gens ne prennent pas ce genre de hadillah pour permettre la mixité et autres. Ça, c'est une chose qui est liée à l'au-delà, dont les règles sont différentes. Ce n'est pas la vie de la vie présente, ce n'est pas pareil. Thumma, après il interrogea, que veut dire Rarlan, justement. Et ça, c'est le fait d'être incirconcis, comme nous l'avons dit. Kama qala ta'ala, kama badanna awwal khalqin nu'idu. Comme nous avons fait la première création, nous la recommencerons. C'est-à-dire que les gens viendront de la sorte. Comme ils ont été créés la première fois, c'est-à-dire incirconcis. L'homme a été créé incirconcis. قال في السؤال الثالث عشر بعد 300 313 question. كيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته في المحشر؟ Donc maintenant la question c'est comment le prophète صلى الله عليه وسلم va reconnaître sa communauté à travers tous ces gens, tous les hommes. قال هرا محجلين من آثار الوضوء. Il les reconnaîtra par les traces que laisse l'ozo. Car l'ozo, comme dans le hadith d'Abu Huraira, le soleil est venu, que celui qui fait l'ozo aura une lumière sur ses parties, sur ses membres. Comme à l'exemple de la tache qui est sur le visage du cheval, la tache blanche qui est sur son visage. Donc les gens de la Ummah de Mohammed sallam auront ces marques-là sur eux. Comme a dit le Nabi sallam, Inna ummati yud'auna yawm al-qiyama ghurran muhajjalin min athar al-wudu. Que ma communauté seront appelées le jour de la résurrection avec leur tache, leur moment de la lueur. Qui sera provoqué par l'ozo. Ce qui montre quoi encore? Que s'ils ne font pas la salat, ils ne font pas l'ozo, ils ne sont pas reconnus. Ça également, ça peut être pris par les adillah du kouf d'Alika Salah, celui qui ne fait pas la salat. D'accord? Yomel Qiyama, étant donné qu'il ne fait pas la salat, il ne fait pas l'ozo. Donc il ne sera pas reconnu, Yomel Qiyama. Et aussi de ce hadith, on peut en déduire que les gens des communautés précédentes ne feront pas l'ozo comme nous. Apparemment, s'ils faisaient les ablutions, elles devaient apparemment être différentes des nôtres. Wallahu ta'ala alam. Sans quoi, comment serions-nous différenciés d'eux? Les marques seront les mêmes. Donc là, ce hadith laisse entendre que les gens des autres ummas antérieurs, s'ils faisaient l'eau, la salat, ça c'est sûr. Les cinq piliers, des preuves ont été démontrées qu'elles étaient présentes chez les communautés précédentes. Maintenant, comment la salat il la faisait? Le soujoud a été connu. Le recours, l'inclinaison a été reconnue également. Maintenant, dans quel ordre, de quelle façon, ça, on ne sait pas forcément. Quoi qu'il en soit, l'ozo tel que nous le faisons, apparemment, et cela est parmi nos particularités. Et parmi nos particularités, le fait de faire tayammum, ce qu'on appelle les ablutions sèches, à travers par la terre, par le sol. Non. Ce maqala fi su'al arabi achar par des salasumiyah. Mimma yunbatu nasu ba'd an kanu turaban. Comment est-ce que les gens repousseront, ou plutôt, de quoi est-ce que les gens repousseront après avoir été de la poussière? De quelle partie du corps vont-ils revenir à la vie? Qala min ajab azanab. Min ajab azanab. Ce qu'on appelle le coccyx. L'homme reviendra à partir de son coccyx. Comme dans le hadith d'Abu Huraira, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala kullu ibn adam ya'kuluhu al-turab illa al-ajab azanab. Qu'il est dit, sallallahu alayhi wa sallam, que le fils d'Adam sera entièrement consommé par la terre à part son coccyx, car c'est de là qu'il a été créé et c'est par là qu'il sera reconstitué à nouveau. Regardez les kuffars qui disent que parmi les preuves qu'on descend du singe, que le coccyx à la base était une queue qui a rétréci. Regardez leurs bêtises. Comment les hadiths de la révélation nous indiquent que c'est de cet os-là que l'homme a été créé en premier lieu. Et que c'est par cet os-là qu'il reviendra à la vie. Cela n'a rien à voir avec une queue. Mais cela est une épreuve peut-être pour qu'Allah Azza wa Jalla éprouve ces gens-là. Thumma qala fi su'al al-khamis 'ashar ba'd al-thalathmiyah. 315e question. Kam tul yawm al-qiyamah? Combien durera le jugement, le jour de la résurrection? Qala al-kafir 50 alf sana wa al-mu'min alf sana. Pour le mécréant, il durera 50 000 ans. Un vrai tourment. Et pour le croyant, il durera 1000 ans. Wa dalil qawlu ta'ala ta'ruju al-mala'ika wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Que les anges ainsi que le souffle remonteront vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Al-Ma'arij, l'ascension, verset 4. Wa qawlu ta'ala et qu'un jour auprès de votre Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Al-Hajj, le pèlerinage, verset 47. Et c'est avec ce genre de hadith-là que des ulama ont pu expliquer que Allah Azza wa Jal a dit avoir créé les cieux et la terre en 6 jours. Donc les gens se sont dit, comment 6 jours? Et en réalité, un jour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas comme un jour auprès de nous, 24 heures, le tour du soleil. Et comment un jour aurait pu-t-il avoir été compté, Mathalène, si ce n'est avec la présence du Shams? Et qu'au début, le ciel était Dukhan, était une fumée. Et ainsi de suite. Donc cela est expliqué par ce genre de verset, qu'un jour équivaut à 1000 ans. Et cela peut être plus grand encore. D'accord? Cela peut être encore plus long. Car c'est Allah Azza wa Jal qui a créé le temps. Donc il en fait ce qu'il veut. ثم قال في السؤال 316 بعد 300. 316e question. ما مقدار قرب الشمس من الناس يوم القيامة? À quelle distance se trouvera le soleil des gens le jour de la résurrection? تدنو حتى تكون من قدر ميل من الناس. Que le soleil se rapprochera jusqu'à être à un mile, qu'on appelle Amil. Amil, c'est... je pense que c'est un peu plus d'un kilomètre. Un peu plus d'un kilomètre. Un peu plus de 1000 mètres. Si je me trompe pas. Donc le soleil sera au-dessus de nos têtes, extrêmement proche. Et ça, c'est la preuve dans le hadith de Miqdad ibn al-Aswad. Qale, radiallahu anhu, qale samitu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yakoulu تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. Qu'il est dit, sallallahu alayhi wa sallam, que le soleil se rapprochera le jour de la résurrection de la création, c'est-à-dire des gens, jusqu'à se trouver à une distance d'un maïl. Le hadith est rapporté par un musulman. وقال في سؤال 17 بعد 317 question. ماذا يتمنى الكافر يوم القيامة؟ Qu'est-ce que le mécréant souhaiterait être le jour de la résurrection? Il souhaiterait être de la terre, comme vous le savez. Après avoir commis tout ce qu'il a commis sur terre, après avoir dit tout ce qu'il a dit, et ainsi de suite, et avoir prétendu ce qu'il a prétendu, Yom al-Qiyama, aussi grand fut-il en cette dunya, comme étant par exemple les présidents, les rois, les hommes de pouvoir, il souhaiterait n'être que de la terre. Regardez à quel, qu'est-ce qui attend les orgueilleux, les gens hautains, qui aujourd'hui se croient permis de faire tout ce qu'ils veulent faire. Yom al-Qiyama, espérons ne même pas être un chien ou un chat ou une mouche, mais être de la terre. Comme a ta'ala, يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Que le jour la personne verra ce que ses mains ont accompli et que le mécréant dira: pauvre moi, que je n'ai été de la terre, que je n'aurais voulu n'avoir rien accompli. Sourate An-Naba, la nouvelle, verset 40. قال في سؤال 18 بعد 300: ما أول ما يتكلم من الإنسان يوم القيامة ويشهد عليه؟ Quelle est la première chose faisant partie de l'homme qui témoignera et qui parlera contre lui justement lorsqu'il rendra les comptes? قال الفخذ والكف. Ce seront la cuisse ainsi que la main. Comme dans le hadith de Hakim, Hakim ibn Muawiyah, عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجيئون يوم القيامة على أفواهكم الفدام وإن أول ما يتكلم من الآدم فخذه وكفوه. Il a dit que vous serez ramenés le jour de la résurrection sur vos visages. C'est-à-dire les gens seront traînés sur leur visage. وَلَعُوذُ بِاللَّهِ. Et que la première chose qui parlera des fils d'Adam pour témoigner contre lui, ce seront sa cuisse ainsi que sa main. Sa cuisse dira qu'est-ce qu'il a fait. Et sa main dira qu'est-ce qu'il a fait. Et cela, ce genre de hadith, sont des réfutations à ceux qui disent que dire que Allah parle, cela l'amène à se représenter à la créature, cela implique qu'on doit lui donner une langue et rien d'alika. On dit non, pour preuve, Yom al-Qiyama, notre cuisse va parler. Est-ce que notre cuisse, elle a une langue? Elle n'en a pas. Est-ce que notre main a une langue? Elle n'en a pas. Et pourtant, elles parleront. Donc, comment se permettre de vouloir comparer Allah Azzawajal à sa créature? Il parle comme il veut. Tout cela, ce sont des comparaisons, des rhétoriques qui sont fausses. Ce qui nous revient à nous, c'est de prendre le texte et de nous oublier et d'y croire, comme ils sont venus, sans altérer, sans modifier, sans supprimer, sans comparer. D'accord ? Tant qu'on n'a pas une preuve qui amène à interpréter. Allah l'a dit à Khadna al-Yom, wa alhamdulillah bil alamin.